À l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, les journaux de divers pays ont fait les rédactions spéciales avec ses portraits en sourire et photos. Le russe Ulaski Laboti, les laotiens Kongtapasason Lao et Bate Lao ont exalté les espoirs immortels du président Kim Il-sung qui a conduit pendant toute sa vie à la victoire la cause d'émancipation du monde sous la bannière de l'indépendance anti-impérialiste. Le birman Denu Eiji, le vénézuélien Béa et le bulgare Novolavotnichesko Delo de Juillet ont présenté respectivement dans une page entière ses exploits accomplis pour la libération de la patrie, la victoire dans la guerre et la fondation du parti, de l'État et de l'armée.